Marie-Madeleine, tu me poses un problème. Il y a les gens devant et puis y a ceux de derrière. Marie-Madeleine, est-ce que tu portes toujours tes bas en laine? Marie-Chantal, est-ce que tu aimes toujours l'anal? Marie-Brigitte, est-ce que t'as toujours la... Est-ce que tu aimes toujours la frite? Ou la trique. Oh Marie Bernadette, est-ce que tu finis en levrette? Oh, Marie-Marie Chantal, Marie-Marie Madeleine. Oh Marie-Marie Madeleine, est-ce que tu portes toujours tes bas en laine? Oh Marie-Marie Chantal, est-ce que tu préfères vraiment... Vraiment la dalle. Oh.